Vous écoutez Canal Sud. Canal Sud, la radio où on aime bien se conchier les uns des autres. Nuisance, c'est l'émission parfaite pour se conchier les uns des autres. Et se conchier, c'est pas une affaire de rien, c'est une affaire de tout justement. Il faut vraiment faire quelque chose pour ça. Ça. Thank you.

good anymore. It's not like it's all the time the same thing, over and over again. Get down. It's dégueulasse. Get down. It's dégueulasse. Get down. It's dégueulasse. Get down. It's dégueulasse. Get down. It's dégueulasse. Get down. It's dégueulasse. Get down. It's dégueulasse. Get down. It's dégueulasse. Get down. It's dégueulasse. Get down. It's dégueulasse. Zorglub Destruction 4. C'est dégueulasse. Zorglub Destruction 4. C'est dégueulasse. Zorglub Destruction 4. Attaque soviétique. C'est dégueulasse. Zorglub Destruction 4. Attaque soviétique. C'est dégueulasse. Zorglub Destruction 4, attaque soviétique. C'est dégueulasse. What have you said? What have you done? Zorglub Destruction 4, attaque soviétique. C'est dégueulasse. What have you said? What have you done? Zorglub Destruction 4, attaque soviétique. C'est dégueulasse. What have you said? What have you done? Zorglub Destruction 4, attaque soviétique. C'est dégueulasse. What have you said? What have you done? You have not seen the bungholes, as you've never seen anything. In fact, you are still blind to yourselves, your own little stupid selves. The only solution is to pay attention to the other selves around you. But you don't know that. You don't know shit. You're worth shit. You're worth fucking in the ass. Every time. Oh yeah, fucking in the asses. Of which I was mentioning foreclosure before. Thank you. ce qu'on aime bien dans Nuisance, donc Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM, c'est vous faire écouter de la grande et belle musique. Donc on peut écouter l'Opus Aria numéro 42-51-52B-B40-10-KW-KW-ZZ-41, page 12. And what you stupidly are, you fucking motherfuckers. I hate you, I hope you die. You have not risen to being something else than what you stupidly are, you fucking motherfuckers. I hate you, I hope you die. Have not risen to being something else than what you stupidly are. You fuck you, hope you die. I hate you, hope you die. You have not risen to being something. You have not risen to being something else than what you stupidly are. I hate you, hope you die. You have not. I hate you, hope you die. You have not risen to being something. You have not risen to being something else than what you stupidly are. I hate you, hope you die. You have not. I hate you, hope you die. You have not. To listen to you, You will not listen.

Le sol et les ondes, j'en ai marre. Au bout de la visage, hache-ma à chaque fois. J'en ai trop marre. Surtout de ne pas couper les flancs. On va en avoir marre. On va en avoir marre. De la surdité, la félicité, la stupidité. Le son de l'espèce rallonge. Comme des passions obscurcissantes, des passions alluviantes. Assez con pour cette vie dans ce monde. Alors là, la façonnance d'une manière. C'est trop con. Le but étant ça grave. Et ça grave. Être clair. Ça fait trop longtemps que j'en crois. J'espère que ça va s'améliorer à partir de maintenant. À partir de maintenant, ça va s'améliorer. J'en suis sûr. Pas aussi sûr du fait que ça va empirer, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Mourir. Non, pas mourir, je dis. Ouais, vivre heureux. À partir de maintenant. À tout jamais. Jusqu'à la mort. Quoi, et après, à tout jamais. À tous les jamais qu'il y a après la mort. À tous les jamais après la mort. Parce qu'il y a la mort, c'est sûr. Allez. Alors voilà, allez, il y a des autres qui coûtent qu'il y ait la mort, coûtent le pain, et allez, heureux de mourir, en attendant de vivre. L'envisage et les possibilités, d'ici à l'heure, le son de mes ondes, ça y est, présente, ça vient pas, ça a l'air, un visage, alors être patient encore, pour rouer de comme d'hab, et empoigner le long d'un coup, je me suis fait niquer encore, comme d'hab, et toutes celles, toujours niqué, j'en ai marre, faut que ça sorte, son je l'étale en pleine face. Et les passions je me fais constamment niquer. Les passions obnubilantes. Et ça n'en finit jamais. Putain, fait chier, merde. Alors là, putain d'automatisme. Putain d'automatisme. Le but, partout les automates. Non, c'est pas vrai. Être clair, c'est pas vrai. Personne n'est automate. Personne n'est robotoïde. Peur, personne n'est malheureux comme moi. Pauvre Al, pauvre tout le monde. Putain, je déprime grave apparemment. Bof. Bof. Bof. Ta gueule. Va chier, encule ta mère, une clope. Ah, ça va mieux. Enfin, non. En fait. Alors les autres, mais c'est pas grave. Attention. Ce genre, mange pas que je t'enculasse la serait plus grave. Hélas, cette lassitude de deux heures, toujours une. C'est bon, celle de la réflexion. Je vais me défoncer la gueule. Alors voilà. Il y a des autres. Voilà. Qui coûte que je comme ça, moi. Croûte de pain. Je suis con. Et moignon de la. Fait niquer de partout. Bien de comme une pute. Ils envisagent les possibilités que d'ici à ailleurs. Moi, c'est moi qui paye. Le son et les ondes présentent. Je les venais tous. Boule des visages. Même que je vous paye. Ils sont pour. Rouet. Thank you. J'aimerais dire à tous les ingénieurs qui se torchent le cul, qu'ils apprennent à se torcher le cul, à nettoyer leurs chiottes, leurs beaux petits chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent leurs chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent leurs chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent leurs chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent leurs chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent leurs chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent leurs chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent leurs chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent leurs chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent leurs chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent leurs chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent leurs chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent leurs chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent leurs chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent leurs chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent leurs chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent leurs chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent leurs chiottes. C'est la base de l'éducation, leurs beaux petits chiottes qui se torchent le cul, qui brossent leur cul, qui torchent. C'est la base de l'éducation. Pourquoi baiser quand on a le produit? C'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. Après tout, je suis dans le déni ou pas? Fin du 28-04-08. 30-4-08. Je m'entraîne à être dépouille, tout le temps dépouille, tous les jours, à chaque instant, défoncé. Il me manque que le fric. Mais c'est pas grave, non, c'est pas grave. Après tout, ce qui fout, faux, c'est une ordo. Ou deux, ou trois. Et des gens qu'on connaît. Pas des amis, y'a pas vraiment d'amis dans ce milieu. Bam, fusillé. Encore à tout mélanger, du début à la fin. J'entends plus rien. Je note des trucs dans un cahier brouillon. Brouillon comme moi. Et défoncé comme toi, moi. Oui, je t'écris pour te dire que tu me saoules, toi, moi. C'est toi le moi, déchiré, je suis déchiré. Et ça va continuer à se mélanger dans la tête, sur la page, dans la phrase, dans le paragraphe, dans le sens, dans tes yeux, déchiré en 2, 3, 4, 5 même. Quel con de dire des choses pareilles. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de malheur sur terre. Je me dépouille par exemple fracassé, comme déchiqueté, souffrant, malade. Je suis fou de m'en mettre plein la tête. Comme ça, comme si et comme ça. Maintenant, je me sens mal. Et tout à l'heure, ça allait, bien même. Mais maintenant, je suis à l'ouest. Total western, c'est la totale. Non seulement je suis déchiré, mais en plus je me sens mal. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis fait ça? Comme si j'étais pas déjà assez malade. T'as une sale gueule, toi. Tout mou. Omnubile d'attention. Tout difforme. De la manière la plus totale, la possibilité, total hélas, déprime. De cette lassitude vient d'une autre possibilité. Pourquoi t'as fait ça? Celle de la réflexion. Parce que je suis trop con. J'aurais voulu être un génie. Il y a des autres. Qui c'est coûte pour ça que coûte, je me défonce. Croûte de pain et moyen de la génial. Bien sûr, ils envisagent les possibilités relativement que d'ici ailleurs, pas trop. Le son et les quand ondes même présentent au disons que si des visages, un génie, tu serais con défoncé. Rouler de coups et empoigner le long d'un corridor. Tu comprends. Les deux de celles qui hilent ceux-là sont de l'espèce allongée. Pourtant, c'est un bon message durcissante. et les personnes fratries sans laisser de message d'exclusion ou quoi. Alors là, la façon dont se fait une inclusion est carrément devenant toujours comme histoire. Et en plus, clair, je me souviens, si va là-bas, je le fais de l'humanisme d'un étranger. Si je voulais dire, non, je me sens que c'est ça. Il y a des autres qui coûte que coûte, sans de croûte de pain. Difforme, comme je dis. Il y a des autres qui coûte que coûte, sans de croûte de pain. Ça y est, je recommande. Difforme, comme je dis. Il y a des autres qui coûte que coûte, sans de croûte de pain. Ça y est, je recommande. Difforme, comme je dis. Il y a des autres qui coûte que coûte. Ça y est, je recommande. Thank you. pas très connu. Pas nous, mais pas les autres, Terre. C'est bien la seule chose que j'essaie d'éviter, de me faire niquer par la Terre, comme une petite planète bleue. Qui n'est sur aucune map monde, sauf les nôtres. Les notes sur un tableau noir se fondent entre elles. On dit non, un tableau noir n'est pas noir. Mais il est aigri, non, je me perds. Je parlais de quoi déjà? Je me souviens plus, ça y est. Ça me fraye en pleine tronche, ça me frappe en pleine tronche. Et je ne peux rien faire pour l'arrêter. Je me prends toutes les bagnoles qui passent, les unes à la suite des autres dans la tronche. L'une après l'une, après l'autre. Je me souviens encore des conseils que m'a donné mon père en clamsant. Il m'a dit, fils, baise, fume, fais-toi niquer par les hommes. Baise les femmes, fais-toi niquer par les hommes. Ensuite, en avant, prends quelque chose, sniffle-le et joue, parce que t'en apportes. C'est-à-dire le putain de con de merde qui pue la merde. Sous-titrage Société Radio-Canada.

Thank you.

l'opium, c'est bon. Jusqu'à la mort, l'opium, c'est bon. Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, l'opium, c'est bon. Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, c'est l'opium, c'est bon. Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, l'opium, c'est bon. Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, c'est l'opium, c'est bon. Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, l'opium, c'est bon. Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, c'est l'opium, c'est bon. Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, l'opium, c'est bon. Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, franchement, je sais pas ce que vous êtes en train de foutre là dans l'usance sur Canal Sud 92.2 FM, Canal Sud.net, téléphone 05 71 53 36 95, ouvrage de 43 Fred du Méril. Je sais pas ce que vous êtes en train de foutre, mais franchement dans l'usance, sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, téléphone 05 71 53 36 95, je sais pas ce qu'une adresse, le 43 Fred du Méril sur Canal Sud, comme tous les vendredis de 21h23, téléphone 05 71 53 36 95. Alors on va voir un feu d'artifice, il était génial, il a sauté 600 comme tous les vendredis. Milliards d'euros. C'était trop cool, franchement bien. Alors, on va voir un feu d'artifice, il était génial, il a coûté 600. Ça pue la poudre aussi, la poudre. Je me souviens trop de compète, franchement bien. Alors, on va voir un feu d'artifice, il était génial, il a coûté 600. Ça pue la poudre aussi, la poudre. Je me souviens trop de compète, franchement bien. On va voir un feu d'artifice, il était génial, il a coûté 600. Ça pue la poudre aussi, la poudre. Je me souviens trop de compète. Bon bah puisque visiblement on fait pas assez chier, ben Nuisance a failli à son équité quoi. Donc on va vous laisser avec cette inespérance en vous quoi. La désagrégence, sinon tout. Et ben gardez votre tout, moi je veux qu'une seule chose dans la vie, c'est la désagrégence, sinon rien. Cette inespérance et la désagrégence, ben c'est Nuisance. Et ben, Nuisance de vendredi tout, à 21h-23h. C'est la désagrégence. Fois, je veux dire, sinon par jour, le vendredi. 21h-23h. C'est Nuisance. Nuisance de vendredi sur Canal Sud. 21h-23h. 92.2 FM ou Canal Sud.net. Nous sommes tous les malvenus. 23h. C'est Nuisance. Nuisance de vendredi sur Canal Sud. 21h-23h. 92.2 FM ou Canal Sud.net. Nous sommes tous les malvenus. 23h. Canal Sud.net. Nous sommes tous les malvenus. 23h.